520 activation, oral, imperative, second person singular. Listen and answer according to the example. You hear, 1. Toi, tu vas inventer une histoire. You say, invente une histoire. 2. Toi, tu vas écouter. Écoute. 3. Toi, tu vas parler français. Parle français. 4. Toi, tu vas continuer l'exercice. Continue l'exercice. 5. Toi, tu vas proposer une histoire. Propose une histoire. 6. Toi, tu vas aller à la Bible. Va à la Bible. 7. Toi, tu vas aller à la cité. Va à la cité.